Thierry Belfroy, bonjour. Bonjour. Vous êtes partout, hein, vous Thierry, à la RTBF en télé, à la présentation du journal de 13h et de Millefeuille, en radio aussi, dans Culture Club sur la première notamment. On sait peut-être moins, pour les jeunes en tout cas qui sont aujourd'hui avec nous, que vous ne vous contentez pas de lire et de parler, mais vous écrivez aussi des livres, vous êtes aussi écrivain. Alors est-ce que écrire, c'est une question bateau, mais enfin j'imagine qu'on se la pose quand on est jeune parfois, et quand on est moi d'ailleurs, c'est répondre à un besoin. Comment est-ce qu'on s'y met un jour? On parle toujours de l'angoisse de la page blanche. En fait, on s'y met parce que effectivement, on a le sentiment que c'est une urgence. Moi, j'ai eu ce sentiment-là aux alentours de 14-15 ans, et j'ai senti que je devais écrire, que c'était important pour moi. Et puis, pendant une bonne quinzaine d'années, ça n'a servi à rien. Si ce n'est à me faire engueuler par mes profs quand j'étais en journalisme, qui me disaient mais arrête d'écrire comme ça, c'est pas comme ça qu'on fait les articles. Je disais mais oui, mais je suis désolé, moi j'écris parce que j'aime bien écrire. Oui, mais non, mais tu fais trop d'effets là. Allez, écrème un peu ton style. Et puis un jour, voilà, on publie son premier livre et on a mis le doigt dans l'engrenage, on n'arrête plus jamais. Alors vous êtes venu nous parler, Thierry, de votre dernière production littéraire. Ça s'appelle Les éditeurs de BD. C'est aux éditions Nifle. Un monde que vous connaissez bien, la bande dessinée. Oui, que j'écume depuis quand même plus d'une dizaine d'années maintenant. Un peu par hasard, en fait, là c'est vraiment une passion de jeunesse qui s'est transformée en une passion professionnelle. J'ai lu des bandes dessinées depuis toujours, pratiquement. J'étais entouré de cousins et de cousines qui étaient des fanatiques de bandes dessinées, qui avaient tous les magazines, ils découpaient toutes les séries qu'on pouvait trouver dans les magazines, même s'il y en avait une au recto verso, ils photocopiaient la page, puis ils les faisaient eux-mêmes en album et tout, donc on n'achetait même pas l'album dans la maison. On avait tout en photocopie, en livres reliés, découpés dans Pilote, dans Métal Hurlant, dans Spirou, dans Tintin. Bref, j'étais baigné là-dedans dès ma plus tendre enfance. J'en ai jamais imaginé faire un métier, et c'est venu un peu par hasard quand j'étais déjà à la RTBF en train de faire tout à fait autre chose. Je me suis dit mais c'est vrai que finalement j'ai une culture de la bande dessinée qui remonte à ma plus tendre enfance, pourquoi ne pas la mettre au service de mon métier qui est celui d'être journaliste et d'informer sur la bande dessinée. Puis voilà, c'est devenu une de mes passions parmi d'autres. Et c'est Lionel Francard qui a lu votre bouquin Pour quand les jeunes s'en mêlent. Ah David, vous ne lisez pas vous alors? C'est-à-dire qu'aujourd'hui j'étais un peu fainéant et donc je vous le donne. C'est très gentil, merci. Ça pendant qu'elle parle. C'est gentil, comme ça je peux faire un peu de concours. Aux jeunes qui sont avec nous. Voilà, moi j'ai été très très courageuse. Non, il faut pas. Ça prend quand même du temps parce qu'on sent que c'est fouillé, que ça a pris du temps ce travail. C'est un très beau livre avec une belle couverture, un beau papier. Comment décrire ce papier? C'est du papier. C'est du papier. C'est un livre avec des feuilles tout en papier. Ah, enfin, ça se veut luxueux. BD, c'est... ça. On a le but c'est que ce soit un bel ouvrage aussi. Oui. Parler de la BD à travers ses éditeurs, c'est quand même assez particulier. C'est même carrément suicidaire, a priori, commercialement parlant. Oui, c'est vrai. Moi, je l'ai pensé aussi, me disant, tiens, pourquoi parler de l'emballage plutôt que du bonbon qui est à l'intérieur? Exactement, pourtant... mais parce que tout le monde avait déjà parlé du bonbon. Il y a eu énormément de livres sur des auteurs de bande dessinée, notamment, évidemment, sur des gens comme Hergé ou quelques autres dont on a parlé en long et en large et en travers depuis des dizaines d'années. Il y a eu beaucoup de monographies sur des auteurs très connus et encore vivants, donc des livres d'entretien avec des auteurs comme Jacques Tardy ou d'autres qui sont les grandes signatures aujourd'hui de la bande dessinée. Et puis finalement, tous ces livres-là, toutes ces bandes dessinées que vous lisez, vous, tous ces livres, ils sont là parce qu'il y a des gens qui les éditent. Un livre n'est pas édité par hasard chez un éditeur, contrairement à ce qu'on pense, parce que quand on prend une bande dessinée comme un livre, un roman, on regarde jamais chez qui c'est édité, on s'en fout complètement. Ce qu'on regarde, c'est si la couverture vous plaît, si l'histoire vous plaît, si les auteurs vous les connaissez ou pas. Enfin bref, il y a toute une série de choses qui sont derrière les livres dont on ne parle jamais. Et c'est le travail de tous ces gens qui ont à la fois du flair, de la connaissance, des réseaux, et puis une espèce de schizophrénie, si je peux employer un mot un petit peu barbare et compliqué, qui sont à la fois des artistes, parce qu'ils ne font pas eux les histoires, ce ne sont pas des gens qui écrivent des histoires, qui dessinent des histoires, mais malgré tout, pour bien sentir ce qu'un auteur va venir leur présenter, il faut qu'ils aient cette âme d'artiste, et à la fois ce sont de très grands commerciaux. Donc voilà, ce sont ces personnages étranges à qui j'ai voulu donner la parole. Ça permet de découvrir les auteurs de BD aussi un petit peu autrement à travers. Et finalement, c'est une manière de parler de la création. Vous avez dû faire un choix parmi les différentes maisons d'édition et les différents éditeurs que vous avez rencontrés. Là, il y en a 10. C'est rien du tout, mais en même temps, il y a les vrais poids lourds de l'édition au niveau de ce qu'ils représentent économiquement. Et puis, il y a des nains, des vrais nains, comme le Frémoc, qui vend quelques centaines de livres de chaque exemplaire, enfin de chaque livre qu'il publie, et il publie 10 livres par an. Sur un donc axe Bruxelles, peut-être France, quelques milliers de livres par an, et encore, je n'oserais pas mettre beaucoup de S derrière le mot millier. Donc c'est un vrai nain dans l'industrie de la bande dessinée, mais c'est un éditeur qui a une démarche artistique tout à fait étonnante, une démarche éditoriale particulièrement novatrice depuis un peu moins d'une dizaine d'années. J'avais envie qu'il soit présent, qu'il soit là. Et puis en plus, c'est un éditeur bicéphale, puisque c'est à la fois un éditeur français et un éditeur belge qui travaillaient séparément et qui se sont mis ensemble, mais qui continuent à être deux éditeurs en un. Enfin, c'est un peu compliqué, mais il y a comme ça des structures dans les maisons d'édition qui sont intéressantes à explorer. Donc les 10 personnes choisies sont non seulement 10 maisons représentatives, mais aussi 10 personnes représentatives. C'est l'occasion, ce livre, les éditeurs de BD, peut-être aussi de proposer à l'acteur alpha de découvrir d'autres choses aussi. Parce qu'il y a des planches ici, il y a des dessinateurs qui ont participé, qui ont... Alors la démarche est amusante. Il y a des planches originales ou alors c'est toujours tout des à fait. Justement, c'est l'éditeur qui a pensé à ça, Frédéric Nifle, qui voulait que son livre, comme tous les livres qu'il a fait dans cette collection qui s'appelle Profession, qui parle des professions de la bande dessinée, soit un beau livre. Alors au départ, évidemment, l'idée était de demander aux éditeurs de fournir évidemment des illustrations qu'ils possédaient eux sur les séries dont on allait parler ou les personnages dont on parlerait. Et puis il est allé plus loin dans cette idée-là. Il s'est dit, mais au fond, ce qu'il manque à ce livre, c'est vraiment une personnalité graphique supplémentaire. Et il m'a dit, mais si on demandait aux auteurs qu'on aime bien, qu'on connaît, de nous faire des planches originales sur leur vision à eux de l'édition. Vous les jeunes, vous lisez de la bande dessinée? Vous lisez quoi, Damien? Oui, je lis de la bande dessinée. Donc il y a les Boulet Bill, les Kid Paddle, les Torgal, les 13, les Black et Mortimer. Donc... Pas de manga? Pas trop. Ça existe alors des jeunes qui lisent pas de manga? C'est il y a donc des grands classiques de BD déjà pour la jeunesse. Ah oui, mais c'est le secteur jeunesse, c'est vraiment un secteur que s'arrachent les éditeurs, parce que c'est un lecteur d'avenir, un lecteur qui a votre âge, c'est un lecteur qui va rester lecteur de bande dessinée jusqu'à 40 ou 50 ans. Donc il faut surtout pas le perdre en route. Les éditeurs de BD aux éditions Nifle, merci Thierry Belfroid d'être passé par Quand les jeunes s'en mêlent.